La Punch R-O-K-M-E. L'échec est ma réussite. L'échec est ma réussite. Très peu t'aimes, je préfère lâcher ce que j'ai dans le cœur. Big up aux gens que j'aime, le rap c'est mon moteur. On s'endort à la vodka, face à l'alcool on fait pas le poids. Appelle-moi Pinocchio, quand je me lève j'ai la gueule de bois. Fort en ego trip, ce son sort des tripes. P8 titres et les MC, je vais rendre amnésique. On voudrait une baraque aux Bahamas, avoir l'argent à Dios. Ou sinon on fout d'être un as avec l'agent Dramos. C'est la zone, et t'as une chance sur deux de finir en zonce. J'aurais pas la médaille d'or, j'ai que faire des bronzes. Millionnaire qui en vue, le compte est en soustraction. Si t'es joli, je t'invite à regarder ce qu'il y a sous le caleçon. CP à mon quartier, ici ça sent les égouts. 30 minimes, le meilleur en punchline, c'est moi, c'est pas vous. Les MC à ma merci, j'rappe en âme, j'aurais percé. Quincy, Fab, Baby, volte-face, j'vais tous les baiser. Car à vous, j'suis pas là pour plaquer une passion avant tout, mais j'vais tous les baiser. La vie c'est la merde, comment faire quand y'a pas d'emploi? J'me transforme en menuisier, j'fais des chèques en bois. Car à vous, j'suis pas là pour blaguer une passion avant tout, mais je vais tous les baiser. La vie c'est la merde, comment faire quand y'a pas d'emploi? Je me transforme en menuisier, je fais des chèques en bois. Dans ma ville, des MC me critiquent, veulent me faire la guerre. Je suis dans plusieurs compiles, sites de rap, allez niquer vos mères. La punchline c'est mon domaine et tout, je vous domine. Je suis pas en forme, mais je m'en sors toujours avec la mine. La plupart trafiquent leurs vues et leurs ventes sont pitoyables. Maître nageur, car en fit, je vous sauve de la noyade. Le meilleur punchliner est dans l'ombre, pas reconnu. J'ai de l'humour, je veux des thunes, mais mon rap est plus la rue. Mes rimes sont hard, qu'on voit un homme baiser une schéma. T'es mal schéma, France, si t'as les dents pourries, je te le signale. Pas là pour ramasser les grammes, mais concurrencer les grands. Je te dis pas ferme ta gueule, sinon tu pourras pas sucer mon gland. Ça sort des coins sales, on s'endort avec le vomi. J'ai cru être dans le futur, rabat, j'ai vu un ovni. Pas confiance aux femmes, un jour elle t'aime, un jour elle part. J'enlève ma montre pour vous laisser mon heure de gloire. Car à vous, j'suis pas là pour blaguer une passion avant tout, mais j'vais tous les baiser. La vie c'est la merde, comment faire quand y'a pas d'emploi? J'me transforme en menuisier, j'fais des chèques en bois. Car à vous, j'suis pas là pour blaguer une passion avant tout, mais j'vais tous les baiser. La vie c'est la merde, comment faire quand y'a pas d'emploi? J'me transforme en menuisier, j'fais des chèques en bois.